Je veux t'inviter, mais impossible de te recevoir si tu es accompagné. Micro ondes et plaques chauffantes, je peux limite cuisiner. Souvent je dois me payer chaque repas de la journée. 9 mètres carrés, c'est pas compliqué à chauffer. Le simple fait de respirer sur la fenêtre amène la buée. Mais en été, y'a pas d'air, impossible de souffler. Comment se débarrasser de cette odeur de renfermé? Mieux ne pas être claustro. Faut aimer ce balader pour être le moins possible enfermé dans cette cage à déprimer. Hey, un jour j'aurai un de ces apparts qui font rêver, tellement immense que je serai obligé de le meubler, le décorer. Mais pour l'instant dans mon 9 mètres carrés, je prends le temps de chanter mes galères d'étranger dans l'espoir de pouvoir un jour vous les raconter. Mais difficile de voir grand dans un 9 mètres carrés. Dans mon 9 mètres carrés, dans mon 9 mètres carrés, dans mon 9 mètres carrés, yeah, yeah, yeah. Dans mon 9 mètres carrés, dans mon 9 mètres carrés, dans mon 9 mètres carrés.